Bonjour et bienvenue sur Comic Stories pour le 319e épisode de notre podcast. Un épisode qui sera consacré à toute une pelletée de chroniques VF et VO et durant lequel je serai en binôme avec Boris. Bien le bonjour. Pas mal de choses depuis la dernière fois que l'on s'est parlé, que nous avons enregistré une émission. On a pas mal de lectures, que ce soit toi ou moi. On s'est dit qu'on allait faire ça court, on va essayer de tenir cet engagement. Ouais, on va essayer de pas être trop bavard, et puis il y a des séries, des singles où il n'y a pas non plus des milliards de trucs à dire. Ouais. Donc voilà, c'est faire un petit point et depuis décembre, hein, puisqu'en janvier on n'a pas fait de... Exactement. De podcast review. Donc, Exactement. On va commencer avec de la VF du coup. Allez, vas-y. Pour se mettre directement dans le bain. Et pour une fois, c'est moi qui vais parler de VF, le monde à l'envers. Parce que le label 619 a sorti sa nouvelle anthologie, Law Reader, sur un modèle très équivalent à ce qu'était Doggy Bags, hein, même le format tout rappellera Doggy Bags. Cette fois-ci, la thématique et la mascotte, le symbole, c'est le corbeau. Donc on a, comme à la grande époque des Doggy Bags, trois récits horrifiques, Divolsky, Monsieur Sato plutôt, et She-Wolf and Cub. Chaque histoire est introduite conclue par un texte, prose, documentaire, par rapport à une des thématiques de l'histoire. Donc évidemment, on a pas mal de background et d'infos autour du corbeau, du mythe du corbeau, dans l'histoire notamment. On a même des choses par rapport à l'anatomie du corbeau, à ses capacités intellectuelles. Et puis, selon la thématique de l'histoire, donc par exemple la première qui, Devolsky, nous parle d'un groupe de rock qui vend un peu son âme au diable pour passer, de manière métaphorique, pour passer à la télé sur MTV. Eh bien, on nous raconte à la fin de l'histoire la vraie histoire de Cinderella, qui était un groupe de rock, qui a lui aussi fait une pub pour une chaîne de fast-food, etc., qui lui a un peu coûté sa carrière au moment où Internet et YouTube a émergé. Et du coup, l'histoire qu'on venait de lire était inspirée librement de ça. Alors évidemment, de manière beaucoup plus graphique, horrifique et compagnie que l'histoire de Cinderella. Mais voilà, chaque histoire à chaque fois est introduite et conclue par quelque chose de réel. Donc on a des choses sur les groupes de rock et leurs histoires un peu tragiques, les crashs d'avions, les accidents de bus et compagnie. On a la deuxième histoire, Monsieur Sato, qui se passe dans le Japon, autour des déchets, autour des armes à feu. Donc on nous parle de la politique des armes à feu au Japon, de comment sont traités les déchets, du côté un peu strict du Japon par rapport à tout ça et compagnie. Enfin voilà, on a l'histoire, qui est déjà super bien foutue. Les trois histoires sont bonnes. Moi j'ai une préférence pour Monsieur Sato, par Ron et Singelin. Je pense qu'on est beaucoup à avoir une préférence pour cette histoire. Mais ce qui est vraiment bien, c'est tout ce package qu'on met autour, cet habillage, ces fausses publicités, ces vrais textes documentaires, etc. Voilà, c'est un vrai plaisir que de retrouver ce format chez le label 619. Donc je sais que c'est la hype du moment en VF, beaucoup de personnes en parlent, ça et la suite de Mutafukaz, donc je ne doute pas que beaucoup parmi nous ont lu Law Reader. Si ce n'est pas le cas, eh ben, allez tester, parce que c'est vraiment très chouette. Ouais, je ne connais pas, je lis pas ces productions, mais c'est vrai que ça donne envie. Là. Mais les trucs un peu anthologiques, je me méfie des fois, parce que ça peut être très, très irrégulier en termes de qualité. Ouais. Mais là, tu as l'air de me convaincre. Ça va de Black Donc, Hammer Visions à Ice Cream Man, quoi, sur l'échelle. Ah, c'est une bonne échelle, ouais. C'est à peu près ça. Donc, le premier cité m'a quand même... fortement refroidi. Ouais. Donc c'est vrai que je. Puis il y a tellement de trucs de toute façon à lire. Donc... Là on est plus proche d'Ice Cream Man quand même. Ouais. Bon, je vais peut-être tenter ça. Hein. Un peu peut-être en dessous, on va pas se mentir non plus. Parce que Ice Cream Man reste quand même pour moi le maître étalon. Mais Law Reader, c'est quand même fait partie du très très très haut du panier. Vraiment. Il y a ce petit côté, je te dis, documentaire en plus. Qui est vraiment cool, qui vient vraiment compléter l'expérience de lecture. Et il y a un boulot de recherche, j'imagine, qui est assez intense pour pouvoir nous proposer ça. Et ben voilà, c'est tout pour la VF. C'est rapide, moi j'ai rien. Enfin si, j'ai lu des trucs en VF, mais enfin, j'en ai parlé déjà à l'écrit un paquet de fois, donc. Et en même temps, je dis VF pour le reader, mais c'est de la VO, puisque la langue originale, c'est le français, hein, donc on n'est pas sur une adaptation, une traduction. Mmh. Allez, continuons, enchaînons sur la langue anglaise cette fois-ci. Mmh. Et puis, je vais te laisser commencer avec un des événements du moment chez Marvel. Oui, un des derniers trucs, je crois, peut-être même le dernier truc que je lis chez Marvel. On va dire le run de Starsky sur Daredevil, hein, parce que oui, même si ça a changé de nom et de forme, c'est toujours ça, même si voilà, Marvel doit forcément faire des events et doit changer de nom, lancer des mini-séries à tirer les rigots. Donc, suite à l'interruption de Daredevil au numéro 36, donc Chip Zdarsky reprend avec Marco Checchetto Devil's Reign, dont on avait déjà un peu parlé, mais que je n'avais pas eu le temps de lire, d'un côté, et puis une mini-série en quatre parties, je crois, avec Raphaël Della Torre. Comment ? Trois Woman Without Fear. Ah, c'est trois ? Je crois. Okay. Je sais plus. Bon, ce que je vais dire du 1 fait que c'est peut-être pas plus mal que ce soit en 3. Mais une mini-série donc en trois parties, un peu sous forme de tie-in, on va dire, de Devil's Reign. Alors, j'avais été un petit peu déçu quand même par la tournure, on va dire, du run de Starsky sur Daredevil. La deuxième partie était quand même un ton en dessous de la première. Et donc, j'étais un peu méfiant, on va dire, sur Devil's Reign. Alors, j'ai lu les deux premiers. Pour l'instant, j'ai encore un peu de retard. Mais bon, ça tient plutôt la route. C'est plutôt sympa. Starsky exploite bien l'univers en utilisant d'autres personnages que Daredevil et qui sont plutôt bien caractérisés. Je trouve que c'est pas mal écrit. Il y a un vrai souffle épique, notamment dans le premier, qui lance bien les choses. Le deuxième est un tout petit peu en dessous, mais ça reste pour l'instant quand même très agréable. Ça, voilà, à la fois il exploite tout ce qu'il a mis en place dans son run et l'intègre bien à l'univers. Donc c'est une lecture plutôt agréable par rapport à d'autres events qui ont pu être faits et qui étaient franchement très artificiels. Là, on va dire que c'est la continuité de son run qui s'élargit un petit peu sur l'ensemble de l'univers. Et Marco Checchetto est quand même. On comprend qu'il ait interrompu un peu sa participation à la série régulière parce que il a dû avoir un peu de boulot quand même avec cette mini-série parce que c'est vraiment top au niveau graphique. Donc voilà, une suite plutôt sympa après avoir comment ça va dans quelle direction ça va aller. Mais je suis pas déçu d'avoir poursuivi l'aventure. Pour ce qui est de la mini-série. Woman Without Fear, donc c'est censé développer une partie de cet event là autour d'Electra, en revenant un peu à la fois sur son passé et sur des choses qui ont été mises en place par Zarsky. Alors graphiquement c'est très joli, c'est pas le même genre que Checchetto, mais franchement je connaissais pas trop son travail, Raphaël Della Torre. Je sais pas trop sur quoi il a travaillé, sans doute Marvel précédemment, mais j'ai rien lu de lui. Et franchement, c'est très joli, très beau. Il y a un petit côté un petit peu plus crasseux, un petit peu plus épais dans le dessin, et ça fonctionne très très bien. Par contre, en termes d'histoire, ça se lit, mais je vois pas trop l'intérêt. Quoi, ça sent un peu la pièce rajoutée pour appâter le gogo dont je fais partie. Voilà, ça se lit, mais c'est pas utile quoi. Enfin, moi j'ai pas trouvé ça très utile. On verra ce que ça donne dans les deux autres parties, puisque tu dis que c'est en trois. Voilà, je vais aller jusqu'au bout, trois épisodes, mais je suis pas sûr que ça soit utile à la lecture du grand ensemble Devil's Reign. Donc voilà. Voilà mon avis sur cette ouais. Marvelerie. Ok. Du coup, je vais enchaîner parce que tu dis que tu comprends que Marco Checchetto a dû faire une pause sur Daredevil. Mais en fait, il n'y a pas que pour ça qu'il a dû faire une pause, à mon avis. Parce que cette semaine est sorti Live Zero chez Ablaze, scénarisé par Stefano Vietti et dessiné par Marco Checchetto, qui est une nouveauté, du coup, sur la thématique des zombies, et qui est graphiquement une claque. Vraiment, Ouais, Keketo a dû aussi avoir besoin de temps. Dans sa pause de Daredevil, a aussi servi sans doute à ça, parce que là, on est sur une qualité graphique assez incroyable, encore une fois. On est vraiment face à un artiste qui a l'air d'être capable de tout faire ou presque. C'est ultra dynamique, ultra détaillé. C'est vraiment. Le jeu sur les lumières est assez fou. J'ai même pas regardé qui le colorise. Andrés Mossa. Et je pense qu'il joue aussi un sacré rôle, ce garçon-là. Life Zero, bah, c'est une histoire autour de la thématique zombie. Un commando qui va se former pour aller exfiltrer son boss qui est apparemment retenu en prison. Voilà, donc ils vont devoir s'infiltrer dans la prison, l'évacuer, etc. Sauf qu'évidemment, la prison est infestée. On a une pseudo-explication sur l'origine de tout ça qui serait due à un nuage qui a survolé la ville. Ça a commencé par une ville apparemment, survolée par un nuage de produits apparemment assez chimiques ou contenant un pathogène qui a transformé petit à petit la population. Et c'est pour ça que du coup, ben, le commando qu'on voit est équipé de masques avec des filtres, etc. pour ne pas respirer les vapeurs du nuage. Donc histoire de zombies avec cette petite touche un peu originale par rapport à ce qu'on peut connaître dans de grands récits de zombies comme Walking Dead ou autre. Je pensais regarder ça de manière anecdotique, mais vraiment la prestation graphique de Keketo, moi, ça m'a vraiment plu. Et l'histoire est suffisamment originale pour en faire quelque chose qui nous évoquera des choses sans avoir l'impression de relire une énième histoire similaire à ce qu'on a pu déjà lire. Donc j'irai peut-être guetter la suite de ce truc-là. Je prenais juste pour voir un peu le dessinateur sur autre chose. Et en fait, ça m'a un peu accroché. Donc je pense que je serai du voyage au moins pour le numéro 2-3, voir un peu le premier arc, ce que ça donne. Je ne sais même pas si c'est une mini ou si c'est destiné à être une ongoing. C'est chez Ablaze, donc tout petit éditeur. Et ma foi, c'est pas mal. Je viens de jeter un œil, ouais. Graphiquement, ça tabasse, hein. C'est pas moche. Après, c'est vrai que les histoires de zombies, bon, maintenant on a un Faut peu aimer, voilà, faut à aimer. voir comment ça tourne, Moi, quoi. je suis pas client de ce genre de truc habituellement. Là, je ne sais pas si c'est les dessins seuls ou l'histoire aussi qui m'ont capté et qui me disent j'ai envie de voir la suite. Je pense que le numéro 2 me dira si l'histoire y est pour quelque chose, si c'est juste la beauté de ce que fait Marco Checchetto. Je ne sais pas encore. Ouais, faut tester, hein. C'est ça à suivre. Voilà, je donnerai mon avis éventuellement sur les prochains numéros dans les prochains podcasts pour que chacun et chacune puisse y avoir un petit peu un suivi de ça et voir si vraiment ça vaut le coup ou pas. Pour le moment, c'est petite pièce sur cette série. Voilà, petite pièce. Ouais, Je ça peut vais. donner un truc sympa. C'est pas forcément très long, voilà, un petit truc bien dessiné et agréable à Ouais, lire, sans que ça ouais. soit un chef-d'œuvre, mais que ça soit sympa à lire, quoi. Ouais, c'est ça, Bref. c'est ça. Alors, on va enchaîner du coup. Ouais. On va enchaîner. Bah, allez, on va faire une petite doublette Jacob Phillips, si je me trompe Ouais. pas. Ouais, c'est pour ça que je les ai mis ensemble. Je me suis dit, ça va être bien organisé comme ça, Eh toi. bien, vas-y, c'est Ça propre. fait préparer. Donc doublette Jacob Phillips donc avec New Burn numéro 2 et That Texas Blood numéro 13. Donc le premier est scénarisé par Shibzdarsky. J'avais déjà parlé, on a déjà parlé, je crois, du premier, puis j'avais fait une review écrite. Un premier numéro qui m'avait plutôt emballé, qui était assez sympa autour d'un personnage qui réglait à la fois les problèmes de la mafia et de la police, voilà, qui était un peu entre les deux, qui jouait double jeu, mais habilement, on va dire. Et donc, dans le premier épisode, on découvrait bah, l'univers, le personnage, et sur un cliffhanger assez bien fichu, une personne qui le prenait comme associé. Et donc, là, c'est la suite. Donc, il développe un petit peu son univers, Shibzdarsky. On voit un peu les relations entre New Burn et cette jeune personne. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Par contre, il y a, on va dire, une intrigue, quoi, hein, une intrigue à résoudre, puisqu'il résout des problèmes ou des enquêtes que la police a un peu du mal à résoudre. Et là, j'ai trouvé que c'était un peu fadasse. Voilà, un peu bof, quoi, un peu banal. Donc ça, j'étais un petit peu déçu de ce point de vue-là. J'ai trouvé que le 2 était quand même en dessous. Par rapport au premier, et je pense que ça va être une série qui va prendre son temps, qui va être assez lente. Donc voilà, pour l'instant, un tout petit peu déçu par ce numéro 2. Bon, je vais continuer. Hein. Au niveau des dessins, c'est toujours du bon Jacob Phillips. C'est différent un petit peu de ce qu'il fait sur Texas Blood, mais ça fonctionne plutôt bien. Des fois, c'est un peu léger en décor. Voilà, il y a des cases qui, franchement, il n'y a rien derrière. Quoi. C'est un peu... Mais ça immerge quand même plutôt pas mal dans l'ambiance. Mais j'ai pas été happé comme par le premier. Et en plus, il y a une histoire backup qui n'est pas réalisée par les artistes, ni par l'un ni par l'autre, qui prend 4-5 pages et que j'avais lu dans le premier, ça ne m'avait pas accroché, donc je n'ai pas lu le deuxième. Ce qui fait que bon, de la série en elle-même, on a 17 ou 18 pages, quoi, donc ça va un peu vite à lire. Après, au niveau construction, il y a toujours une ou deux pages du journal personnel de alors elle s'appelle Emily, la personne qui l'assiste. Et donc c'est pas mal écrit, c'est un peu plein d'ironie, on va dire que leur entente ne se révèle pas très bonne. Mais donc ça c'est pas mal fait, mais ça se lit un peu trop vite quoi pour moi. Et puis voilà, j'ai trouvé que l'intrigue entre guillemets policière était un peu légère. Donc voilà. Pas totalement convaincu à voir par la suite. De toute façon, j'irai au moins jusqu'à la fin du premier arc pour voir un peu l'ensemble. Je sais pas, je suppose que c'est une série qui ira pas en 50 épisodes, mais qui aura peut-être 2-3 arcs. Donc j'irai au moins jusqu'au premier, voir. Et si je suis pas convaincu, ben on fera stop. Quant au Texas Blood, donc c'est numéro 13 avec toujours Chris Condon. Donc là, c'est un épisode one shot parce qu'en fait l'arc s'est terminé, le deuxième arc s'est terminé sur le 12 et je sais pas ce que j'ai fait, j'ai raté un peu la fin de l'arc, donc il va falloir que je le rattrape, le 11 et le 12. Donc là c'est un épisode one shot qui était sorti pour Noël, qui s'appelle Christmas Special, et donc c'est une histoire façon un peu ici comics quoi, c'est-à-dire un épisode, une histoire autocontenue, et donc c'est l'histoire d'un vieux du coin qui, enfin vieux, oui, un vieux du coin qui raconte son histoire à tous les Noëls, et c'est un peu toujours la même histoire. Et donc il raconte l'histoire d'un shérif du comté qui règle les problèmes, on va dire, pas forcément dans la légalité, plutôt à coup de carabine, et qui à un moment va se décider que sa femme est un petit peu en trop. Donc il va résoudre ce problème de la même façon, mais eh bien évidemment ce crime va venir le hanter. Donc on est un peu dans l'esprit voilà, des histoires horrifiques de DC Comics où le défunt revient hanter le criminel. Donc c'est plutôt sympa, c'est pas exceptionnel, mais c'est une bonne petite histoire voilà, en un épisode. Et puis en termes de dessin, Jacob Phillips, toute la partie de l'histoire racontée est colorisée en orange, il n'y a qu'une couleur. Et donc ça donne un cachet un peu sympa, c'est assez rigolo. Et il maîtrise toujours bien cette ambiance un peu vintage, on va dire. Amérique profonde qui fait un peu années 70, ça marche plutôt bien. Donc pas un épisode exceptionnel, mais un bon épisode sympa en un one shot quoi, un peu anthologique, et ça a bien fonctionné, j'ai bien aimé. Donc maintenant je vais finir le deuxième arc qui devrait peut-être pas tarder à sortir en VF, parce que le premier tome était sorti à l'été je crois, donc je pense que d'ici l'été prochain on devra avoir le deuxième volume. Et puis après, embrayer sur le troisième. Je crois que quand j'avais interviewé le scénariste, il avait dit qu'ils avaient du matériel pour au moins 30 épisodes. Donc si ça fonctionne, on est peut-être parti pour quelques belles années. Mm-hmm. Okay. Voilà pour ce duo d'épisodes. Ok. J'ai eu le même ressenti sur New Burn, c'est bizarre. J'ai bien aimé le premier, ça m'a bien accroché. Et puis, dès les premières pages du deuxième, j'ai eu du mal, quoi. Ça retombe un peu à plat parce que... Je pensais moi que ça allait se lancer vraiment quoi. Le premier mettait en place puis après c'était parti. Et en fait on a l'impression que non ça repart pas vraiment. C'est un peu mou quoi. Mm-hmm. Voilà. C'est pas mal écrit mais c'est un peu tiède. Ouais c'est ça. Voilà. Du coup j'ai même pas regardé j'ai même pas fini ce numéro 2 encore et je me posais la question de est-ce que oui ou non ça valait le coup que je le reprenne. Je suis vraiment pas sûr. Je guetterai ton avis sur les prochains si tu continues pour voir mais. Bah, oui, je vais continuer parce que j'aime les deux artistes, même si Zdarsky fait du très bon, comme des fois il peut faire du pas bon. Hein. Oui, mais souvent, quand il fait du pas bon, c'est souvent plutôt chez Marvel. En indé, j'ai pas le souvenir d'avoir été déçu. Mais bon, il peut y avoir un petit raté ou des fois on rentre pas dans le truc, hein, ou ça va peut-être se lancer. Mais je pensais voilà, que le premier n'était vraiment qu'introductif. Et après, bon, alors, ou alors j'ai pas tout saisi, mais bon, j'ai pas l'impression, vu que t'as le même ressenti. Ouais, ouais. Parce qu'il y a un petit... Voilà, on verra. Mais je vais continuer, t'inquiète, je te dirai. Ça roule. Bah écoute, on va rester chez Image, tu sais quoi? Parce que là, on est parti pour une bonne petite série Image. Là, toi, tu vas enchaîner encore sur du Image après. Moi, je vais parler, du coup, cette fois, de crossover. Je vais encore parler de crossover. Je vais encore m'extasier devant crossover. Le numéro 11 est arrivé. Et là, on est en train de partir, enfin d'exploser totalement le côté méta du truc. Je Pas peux. de gros spoil, hein. Non, J'ai lu le 10, mais pas le 11. je peux pas dire, même dès la première page, je peux rien dire de ce numéro, en fait, de ce qu'il contient. Je peux juste dire que la folie furieuse de Donny Cates continue, qu'on n'en a pas fini avec les caméos improbables et incroyables. L'apparition en dernière page pose des questions à plus d'un titre, à la fois par la nature, enfin le nom, l'identité du personnage, mais aussi par sa nature, visuellement. Vous verrez, ça pose énormément de questions. C'est le dernier numéro avant la révélation du Big Bad qui nous est promis dans le numéro 12 par Donny Cates. La sollicitation du numéro 12 nous dit que l'assassin est révélé. Donc, est-ce que c'est cette personne qu'on voit apparaître à la fin du numéro 11? Est-ce que c'est encore quelqu'un d'autre? Je ne sais pas, le mystère est entier. Mais en tout cas, qu'est-ce que c'est enthousiasmant. Là, dans ce numéro, enfin, tu verras quand tu le liras, mais Donny Cates se livre à un exercice particulièrement agréable, où on ne sait plus où sont les limites de la réalité. Du monde des comics, du monde des comics dans l'univers de crossover, enfin, qu'est-ce qui croise quoi, c'est assez fou. Et énormément de commentaires sous-jacents de second degré de lecture, c'est vraiment très très bon. Crossover, si vous ne l'avez pas commencé, ça arrive chez Urban en VF, si jamais vous êtes fâché avec la VO. Ça arrive chez Urban en VF là, hein, tout prochainement, je crois. Hein. Avril, je crois. Ouais. Avril, vous avez encore un petit peu de temps à attendre pour le découvrir, mais. Clairement, jetez-vous dessus. C'est un des meilleurs trucs du moment chez Image. Ouais, c'est assez incroyable. Moi, le 10 était déjà. Ah ouais. Avec le cliffhanger du 10 était déjà assez fou. De toute façon, tous les cliffhangers, hein, à chaque épisode, à Ah chaque oui. fois, À chaque fois, il te c'était met une assez. dernière page où tu dis, wow, Ouais. ok, ça va là. Je ne sais Et. plus quel était le cliffhanger du 10, donc je ne vais pas te dire si ce qu'on voit sur la première page du 11 reprend ce Oui. cliffhanger, parce que je ne veux pas te spoiler, mais c'est possible. C'est possible. Et puis ces séquences avec le duo d'inspecteurs venus d'un autre comics Ouais. et qui intègre l'auteur, enfin dans l'épisode 10, là c'était assez. Il y a Ah ouais. vraiment des séquences marrantes, Ah ouais. Oui. super fun. Ça reste fun Quand la tout en création étant. rencontre le créateur, c'est assez fou. C'était assez mortel, ouais. Donc, ouais, non, vraiment une excellente série, ouais. Ça va être, je sais pas, j'espère que ça va bien se finir, comme dirait l'autre. Mais c'est en 13, hein. Donc. Le 13 sera le dernier, je crois. Non. Ah bon? T'es Non, sûr? non, non, parce qu'en fait, la sollicitation du 13 est assez bizarre. Je vais la ressortir. Je vais la ressortir de ce Ils vont pas. nous entourlouper. J'avais Alors, cru voir que attends. c'était en 13, moi. Oui, mais attends, parce que. Enfin, à moins que j'ai pas compris la sollicitation du 13. Alors, juste le temps de la ressortir. Hop, je la chope ici. Crossover 13, voilà. La sollicitation du 13 nous dit. Donc, Meanwhile, c'est le titre de l'acte part 6, donc sixième partie. This is it, the end of the line, the grand final. Donc, on nous dit que c'est la fin de la série, la fin de la ligne d'arrivée, etc. Tout dans toute votre vie vous a amené à ce moment-là. Ta-ta-ta, le monde de crossover s'effondre dans un métatexte, etc. Nanana. Et là, la dernière phrase de la sollicitation, c'est attendez, non. Ça, c'est la sollicitation de l'issue finale. C'est laquelle déjà? Ah, la 13! Ah non! Celle-ci est géniale. Et c'est signé Donny. Donc il nous dit en fait que la sollicitation qu'il vient de nous faire, c'est la sollicitation du dernier numéro, mais que là on n'en est que au 13. Si D'accord, j'ai j'ai pas. bien compris. J'avais lu le début, moi, c'est tout, j'avais pas été au bout. Et bien justement, je Donc, pense que forcément. c'est bien du coup pour ceux qui ont lu que le début et qui croient que ça va se terminer. Et la fin de cette sollicitation nous dit que bah, non, non, non, il s'est joué de nous dans cette sollicitation et que non, non, on n'est que au numéro 13 et que c'est Bon, encore on pas verra bien. fini. Ou alors il se fout de On notre gueule et verra c'est vraiment fini. bien. C'est possible aussi. Bon, on verra bien. Mais. De toute Ouais. façon, ça peut peut-être pas durer non plus éternellement, mais. c'est quand même un concept un peu particulier. Il faut tenir la route, on va dire. Oui. Mais sans lasser, sans que ça soit répétitif. Puis après avoir épuisé à peu près tous les personnages de comics existants dans la série, ça va être compliqué. Ah ouais. Non, mais très bonne série, effectivement, à commencer en VF si vous n'avez pas commencé. Alors, cela dit, il n'y a pas de 14 sollicités pour le moment dans le catalogue de février. Mais bah oui, ouais. Donc, après, ça peut être une pause, mais... On verra. Et puis pour continuer sur Image, de mon côté, pour histoire de faire un doublon, on va faire un doublon de série marquante de 2021. Du coup, Geiger, qui est revenu avec un one-shot de 80 pages, avec Geoff Jones, Gary Frank, Brian Hitch. L'intérêt de ce one-shot de 80 pages, qui est assez dense, hein, c'est qu'on nous repose la timeline, on nous en explique un peu plus sur ce qu'on a vu à la fin du numéro 6, autour de The Unnamed, de The Inno Noir, qu'est-ce que c'est. On nous explique vaguement ce que peut signifier cette timeline, que sont ces événements, etc. Et surtout, en ouverture du numéro, on a une histoire de 20 pages qui est l'introduction de la prochaine série dans l'univers de Geiger, qui sera donc Red Coat, scénarisée par Geoff Jones et dessinée par Brian Hitch. Donc ça va arriver très prochainement en 2022, et ce sera suivi par une autre mini-série dont on a un aperçu à la toute fin du one-shot qui sera consacré à Junkyard Joe qu'on a découvert dans le numéro 6 de Geiger. Et puis entre les deux, on a les deux fameux personnages là, qui nous racontent l'histoire depuis le début, enfin qui se racontent l'histoire entre eux depuis le début, et celui qui a l'air de tout savoir un peu sur cet univers nous montre un plan de Las Vegas avec tous ses casinos, ses établissements, etc. et va nous raconter une petite histoire courte faite par une équipe créative différente à chaque fois sur chacun des établissements de ce Las Vegas post-apocalyptique. Et on va découvrir des personnages soit effrayants, soit complètement tarés, soit attachants. Mais chaque casino correspond à un univers particulier et à un mode de fonctionnement particulier. Alors je ne sais pas pourquoi on nous explique ça, pourquoi on nous raconte tout ça. Pourquoi on nous présente tous ces dirigeants de casino, tous ces personnages un peu particuliers? Est-ce qu'ils vont intervenir dans l'une ou l'autre des séries? On ne sait pas, mais en tout cas, on a pas mal de background sur ce Las Vegas qu'on a découvert dans la série Geiger l'année dernière, avec des styles graphiques très différents hein, en fonction des équipes créatives qui sont toutes plutôt réussies. Donc, pas mal ce one-shot de 80 pages, pas mal. Ça nous remet un peu dans l'ambiance de Geiger avant d'attaquer les nouvelles mini-séries. C'est assez réussi. Vas-y, fini. J'allais dire, Geoff Jones a l'air d'avoir un sacré plan en tête. Il nous le tease à demi-mot, mais il a l'air d'avoir quand même... Voilà, la timeline est quand même assez intrigante. Il a l'air de savoir où il va, de savoir qu'est-ce qu'il va raconter à chacun des points de cette timeline. Il a l'air d'avoir en tête le point de convergence de tout ça. Et c'est plutôt enthousiasmant. Ouais, moi j'étais un peu inquiet. J'ai hésité à le prendre, ce numéro. Mm-hmm. Parce que ça sentait le numéro anthologique irrégulier, dont j'ai déjà parlé tout à l'heure. Et c'est vrai que là, je t'ai écouté, évidemment, bien sûr, religieusement. T'en avais parlé aussi dans ta vidéo. Oui. Et j'en avais entendu un peu parler ailleurs aussi. Et effectivement, ça a l'air de qualité. Ça a l'air d'être l'arnaque complète. Non. Donc, ça me donne déjà bien envie de le lire. Et puis ensuite, peut-être effectivement de se lancer dans cet univers qui a l'air assez... En tout cas, dans l'esprit du scénariste, assez tentaculaire. Ouais. Donc, si tout tient la route et que c'est de ce niveau-là, ça peut être effectivement quelque chose d'intéressant, quoi. Donc, au départ, je m'étais dit, je vais me contenter de Geiger, mais enfin, en plus, on ne sait même pas si c'est terminé ou pas et que ça va embrayer sur d'autres mini-séries, ou si celle-ci va revenir. Ouais, bah oui. Donc, voilà, si on veut continuer, on va prendre les autres mini-séries qui sortent. C'est terminé. Donc, alors, t'entends. À mon avis, c'est terminé. Petite dédicace à Gail qui m'a fait remonter ce truc quand on discutait de Geiger, qui m'a dit « Mais tu as vu, le TPB était numéroté sur la sollicitation volume 1, mais il n'est pas numéroté en tant que tel. Le vrai TPB, l'objet TPB, il n'a pas de numéro. Il n'y a pas de volume 1 ou de quoi que ce soit. Ils ont retiré ça. Donc ça laisse sous-entendre que Geiger restera la mini-série introductive et puis que derrière, on va partir explorer Junkyard Joe, le Red Coat, et puis tous les points de la timeline qu'on a vu, et qu'à la fin, ça va se regrouper dans quelque chose qui sera peut-être la Non Noire ou je ne sais quoi. Mais en tout cas, pour Geiger, ça a l'air d'être terminé. même si la fin était plutôt ouverte. Oui, je suppose qu'il laisse, voilà, peut-être qu'il se laisse aussi une possibilité d'y revenir un peu plus tard, j'en sais rien, ou c'était pour faire comprendre que voilà, l'univers démarre et qu'il faut suivre le reste. Mais ça, ouais, j'attends de le lire, mais j'avoue que je suis plutôt rassuré, on va dire, et que ça donne envie de suivre un peu tout ça. Intéressant quand on donne des éléments comme ça de background, etc. Maintenant, j'espère que ça restera pas lettre morte, parce qu'il y a quand même certains des trucs qu'on nous a présentés là, qu'on aurait envie d'en savoir un peu plus sur ce Las Vegas, parce que c'est bien, on nous présente tous les établissements, etc., chacun comment ils fonctionnent, etc. Mais alors, comment ils cohabitent dans ce Las Vegas, les uns et les autres? Bah, si c'est juste un décorum avec quelques idées plantées ici et là, et que c'est pas repris après, ça serait un peu bête, oui. Ça serait dommage, ouais. À voir. En tout cas, ce one-shot est numéroté sur le dos, donc sans doute y aura-t-il un autre gros one-shot à un moment ou à un autre. Allez, on continue chez Image avec toi cette fois. Tu vas nous faire voyager dans le temps. Voilà. Avec Time, Before Time, série que je suis depuis le début et qui me plaît toujours autant. Donc, c'est toujours Declan Shalvey, Rory McConville, Joe Palmer, Chris O'Halloran et Hassan Otsmane Elahu. Je dirais des noms que je retrouve régulièrement sur les séries que je lis. Notamment de plus en plus le lettreur, je me faisais la réflexion, tout à l'heure en regardant un peu mon tas de comics que ce lettreur là, Hassan Otsmane Elahu, que j'ai interviewé il y a pas très longtemps, prend une dimension, on va dire, assez importante sur les comics indé. Ouais, je vois son nom de plus en plus, et c'est sans doute grâce à l'interview que tu as faite où du coup son nom résonne plus chez moi, mais j'ai l'impression de le voir de plus en plus partout, ce gars. Ah ouais, tout à fait. Ouais. Et je pense que dans le comics indé, enfin, c'est quelqu'un qui a une place importante puisqu'il a, c'est lui qui a un magazine numérique sur les comics, etc. Voilà, il a un vrai rôle, on va dire, dans la dynamique des comics. Et je pense que voilà, ouais, on va en entendre de plus en plus parler. Donc Time Before Time. Donc c'est toujours cette histoire de voyage dans le temps. On suit toujours un des deux personnages principaux, enfin non, le personnage principal, puisque ils étaient deux au départ, mais le premier a vite disparu, et qui voyage toujours dans le temps et qui s'est retrouvé en compagnie d'une jeune femme qui est à la recherche de sa famille, et donc qui retourne à son époque initiale pour essayer de les retrouver, mais quand elle revient, elle s'aperçoit qu'il y a eu un problème et que c'est sa sœur et sa mère, je crois, ne sont pas là où elle devrait être, et donc elle s'inquiète et ils partent un peu à la recherche de ces personnages ensemble. Voilà un peu pour le résumé simpliste, on va dire, simplifié. Mais en termes de ton et d'ambiance, c'est toujours la même chose. Il y a toujours un mélange d'action, de ça canarde un peu pas mal, d'humour qui chez moi fonctionne super bien. C'est toujours toujours tout un peu décalé. Moi, j'aime beaucoup ce genre d'humour. Là, dans le numéro 7, donc c'est le 7 et le 8 donc, que j'ai lu et dont je parle. Dans le numéro 7, il y a un nouveau personnage, un petit robot là, qui débarque et qui est assez, assez marrant et qu'on retrouve dans le 8 ensuite. Donc, je pense qu'on va le retrouver un petit peu tout au long de l'arc et qui est super drôle. Enfin, je trouve que c'est bien fichu. Il a une façon de parler, de répondre qui est assez, assez fun, et comme il vient d'une autre timeline, ça crée des décalages assez drôles. Et puis en termes de... Bah voilà, il y a toujours des surprises. C'est une série qui, moi, me surprend à chaque fois. Il y a toujours un changement des personnages qui étaient dans le premier arc, au tout début, quand ils ont mis en place l'histoire qui reviennent. Et donc c'est vrai que ce jeu temporel permet des allers-retours, des retours de personnages, ce genre de choses qui fonctionnent toujours bien, et c'est franchement très, très sympa à suivre. Moi, j'aime beaucoup, beaucoup cette série, et puis Joe Palmer et Chris O'Halloran. Alors Joe Palmer, c'est un dessin un peu particulier, hein, très indé, qui plaira pas clairement à tout le monde, mais qui moi, me plaît beaucoup, et je trouve qu'avec Chris O'Halloran, il se trouve bien, ça fonctionne bien. Couleur et dessin s'associent bien. Donc moi, c'est une des valeurs sûres de mes lectures à chaque fois. Ça fonctionne très bien. Pour l'instant, je n'ai pas entendu parler en VF. Je ne pense pas que ça viendra en VF. C'est peut-être un peu trop confidentiel, on va dire, ou pas, pas assez grand public pour que quelqu'un se lance, parce que on sait que c'est un peu compliqué l'indé en VF. Donc c'est pas peut-être pas le genre de série sur lesquelles on peut muser à coup sûr, donc c'est pas sûr que ça débarque. Mais voilà, moi je le conseille, c'est un bon petit polar décalé, un peu SF et avec de l'humour qui moi me plaît particulièrement bien. Ok. Tu veux que je fasse un deuxième titre Un deuxième titre Image? Image un peu décalé aussi, non? Oui, c'est un peu de la SF aussi, hein, quand ouais. même, avec Stillwater. Donc Stillwater numéro 12, toujours Chibzarsky, Ramon K. Perez et Mike Spicer. Donc le premier tome est sorti en VF et j'ai l'impression que ça tourne pas mal parce que j'ai vu beaucoup de personnes sur les réseaux qui en parlent et qui en disent beaucoup de bien. Alors moi j'ai beaucoup aimé ce premier volume et là donc c'est la fin du deuxième qui est pour moi encore meilleur, qui a vraiment franchi un cap en termes d'intensité, d'idées et de rythme. Donc si vous avez aimé le premier volume en VO ou en VF, je vous conseille d'enchaîner là, avec le 2 qui ne devrait pas tarder. C'est vraiment très très bon. C'est toujours Stillwater, cette ville où on ne meurt pas, hein, pour résumer simplement, et où les habitants se sont rebellés contre le juge qui dirigeait d'une poigne de fer cette petite ville. Donc depuis le début, il y a eu évidemment des événements, des retournements. Et là, dans ce numéro 12, ça va saigner encore, hein, puisque le conflit entre le personnage principal qui est revenu, dont j'ai oublié le nom, évidemment. Je me souviens plus, tu te souviens? Ah non, pas du tout, c'est le jardin du souvenir du Je retiens jamais les noms des personnages, mais c'est incroyable. Enfin bon, le personnage principal qui est revenu à Stillwater, qui mène un peu avec sa mère la rébellion, on va dire, et donc voilà, qui essaye de délivrer Stillwater de cette poigne, puisque vous le verrez sans doute, le chef a changé et ça fonctionne encore bien, encore super bien. Et alors le cliffhanger de fin totalement inattendu qui va sans doute engendrer encore plus d'interrogations sur cette ville de Stillwater. Mais alors celui-là, je l'ai vraiment pas vu venir, et ça peut amener des choses vraiment super fun. Et c'est vraiment donc la conclusion du deuxième arc, vraiment un deuxième arc assez génial. J'ai vraiment beaucoup aimé. Il va y avoir un troisième et dernier arc qui va démarrer un petit peu plus tard dans l'année, mais entre temps il y a un one shot qui va sortir qui s'appelle The Escape, qui devrait sortir au mois de mars, je crois. Oui. Qui va développer une partie de l'univers, je crois, de mémoire, parce que j'ai vu ça passer, ils en parlent à la fin. D'ailleurs, heureusement qu'ils en parlent à la fin, parce que sinon je l'aurais pas vu. Parce qu'il faut le, si vous suivez la série en VO, il faut le précommander en plus. Hein, c'est pas dans le fil de la série régulière. Bon, non, ils en parlent, enfin ils disent rien. Donc je me souviens plus quel est le. Il y a pas que les trois artistes qui vont travailler dessus. Donc c'est un gros one shot, un petit peu plus cher, avec d'autres artistes qui vont venir. Se greffer, donc ça doit être sans doute un petit peu anthologique avec plusieurs histoires. Et donc, mais je pense que ça va avoir une importance dans le développement de la série. Donc à ne pas rater si vous suivez la série. Et puis j'attends avec impatience ce dernier arc et voir où Chibzarsky va pouvoir bien nous emmener. Mais franchement, au début, c'était un bon premier arc, mais à lire en single, je me souviens avoir dit que autour du 4 ou 5, que ça prenait son temps, quoi. C'était un peu pépère par moment. Mais comme je l'ai relu en VF, là, en collecté, en lisant les six premiers épisodes d'un bloc, je les ai lus en une fois, ça se lit, mais tout seul. Là, on ressent pas ce petit problème de rythme autour du milieu du premier arc. Et franchement, je suis bien accroché. Là ça devient une vraie, vraie, très bonne série. Ok. Voilà, ma conclusion enthousiaste. J'ai bien envie de lire ce deuxième tome, du coup, des aventures de Daniel West. Ah, bah voilà. Tout à fait, lui-même. Voilà. Du coup, on va faire une petite pause Image, parce qu'on a encore du Image. Après, décidément, on a l'impression que tout se passe chez eux en ce moment. C'est pas loin d'être le cas. Non. Il y a du boom aussi, mais moi, je vais faire une coupure d'ici. Mon Dieu. Ah ouais, je suis comme ça. Je suis un peu un dingue. Avec du Tom Taylor. Ça va? Oui, ça. En ce moment, c'est un peu synonyme, non? Du bon d'ici et Tom Taylor, c'est un peu Il faut s'appeler Tom ou Joshua. Ouais, voilà. C'est vrai. Et ben on va parler de Tom, on parlera de Joshua plus tard. Tom Taylor, il nous fait en ce moment un espèce de grand chelem chez DC. Alors évidemment, il y a son Nightwing dont on vous a déjà parlé, mais je ne vais pas parler de Nightwing aujourd'hui, je vais parler de Dark Knights of Steel. Dark Knights of Steel, c'est sa nouvelle réécriture. Hein. Il nous a fait le coup avec Injustice, basé sur le jeu vidéo, d'un monde dans lequel Superman aurait pété les plombs. Après, il nous a servi Deceased, la version zombifiée de l'univers DC, on va dire. Et puis là, maintenant, il est sur Dark Knights of Steel, maxi-série en 12 parties, qui va plonger l'univers DC dans une réécriture à la tendance médiévale. Voilà. Encore une fois, j'ai envie de dire, il réussit son pari, il réussit son coup, et il nous réécrit totalement l'univers. Encore une fois, personne n'est à l'abri. Encore une fois, on ne peut s'attendre à absolument à rien, parce que cet univers-là n'est pas du tout l'univers DC tel qu'on le connaît. Et il en joue avec nous, il en a joué avec nous pendant tout le premier numéro, où il nous a fait croire qu'on allait juste avoir Batman version médiévale, Superman version médiévale et compagnie. Et en fait, c'est beaucoup plus complexe que ça, et surtout, c'est beaucoup plus sombre que ça. Dans le numéro 2, il nous le balance en pleine face avec un acte commis par quelqu'un qu'on connaît comme du côté du bien habituellement, qui est d'une violence folle. C'est assez saisissant ce qui se passe. Et on se dit, ok. Donc en fait, ça va pas être une promenade de santé, ça va être violent, sombre et sans doute assez perturbant. Parce que ce personnage, ce qu'il fait, quand on sait qui est ce personnage dans le vrai univers d'ici, on a du mal à encaisser ça, quoi. Du coup, on se prend un premier choc et on s'en prend un deuxième à la fin du numéro 3 avec un cliffhanger qui nous révèle que ce que l'on croyait préétabli, parce que l'univers DC est comme ça depuis plus de 80 ans et qu'il n'y a pas de raison que ça change, là, on nous le retourne complètement et le super n'est peut-être pas celui qu'on croit. Et c'est complètement développé dans le numéro 4 où on a les origines réelles d'un des personnages de la saga, complètement twisté. Et pareil, la surprise est totale. Et c'est hyper enthousiasmant parce que c'est vrai qu'on le savait pas, mais on avait envie de lire ça, en fait. Mais on le savait pas, avant que Tom Taylor nous l'écrive. Bien joué, encore une fois. Yasmine Poutry au dessin sous les 3 premiers épisodes, splendide. Bengal sur l'épisode 4, splendide aussi. Très haut niveau pour Dark Knight of Steel. Je pensais lire le numéro 1 pour voir de quoi ça parlait et au moins être au courant de ce qui sort. En fait, je me retrouve à attendre le numéro 5 avec impatience. Donc bravo Monsieur Taylor, c'est tout ce que j'ai à dire. Et puis bravo Monsieur Taylor aussi pour Superman Son of Kal-El, qui continue sa route pavée de perfection, quasi-perfection en tout cas. Voilà. Je suis juste déçu de la partie graphique de ce numéro 8, qui n'est pas par John Timms, et le changement est assez violent, je trouve. C'est Cian Tormé qui dessine ce numéro 8. Je crois que c'est lui qui dessinait aussi le numéro 7. Et j'ai un peu de mal à m'y faire. Mais en tout cas, ça reste très bon, tout comme Nightwing reste très bon. Mais surtout, allez jeter un œil à Dark Knights of Steel. Moi, je rattraperai toutes ces bonnes choses en VF, je pense. Oui, je pense que ça va sortir. Ça sera un beau truc collecté, un bel beau gros album à 35 balles chez Urban pour les 12 épisodes. Et en tout cas, sur le premier tiers, waouh, ça vaut vraiment le coup. Il est souvent doué pour trouver des idées et des angles assez originaux pour renouveler un peu cet univers. C'est ça, c'est en général, c'est plutôt sympa. Ouais. C'est encore le cas, et comme on est dans une réécriture, tout est permis, en fait. Donc personne n'est à l'abri. Tout le monde est potentiellement menacé. Puisque là, on n'a pas à se préoccuper du fait, on peut pas tuer un tel parce que c'est pas possible dans l'univers d'ici que ça continue sans tel personnage. Là, on s'en fout, en fait. Du coup, ça rend le truc beaucoup plus stressant. C'est l'avantage de ce genre d'univers alternatif, on va dire. Donc, j'irai voir ça. Déjà, il y a Son of Kal-El. Bon, là, c'est pas l'univers alternatif. Non. Qui va sortir en VF, là, en avril aussi, je crois. Très Nightwing, bien, en février. Donc, Nightwing, j'ai suivi en VO aussi, mais j'ai énormément de retard. Mais il y a le premier tome qui sort, là. Nightwing, ça mérite de l'avoir encartonné. Je comprendrais que tu ailles sur la VF aussi, parce que c'est vrai qu'une une belle édition de Nightwing. D'ailleurs, c'est sorti encartonné hein, en VO, c'est pas sorti en TP souple. C'est pas pour rien. Je pense que ça veut dire quelque chose de la qualité de la série. Il y en a peu qui sortent encartonné. Hein. Même Batman, je crois, ne sort pas encartonné. Donc... D'accord. Enfin, pas en première intention, en tout cas. Donc... D'accord. Écoute, j'irai voir ça. Sa sortie VF. Exactement. Allez, je te relaisse la main et tu me disais, il y a aussi Boom. Et bien, allez, fais-nous un petit duo de Boom. Un petit duo de Boom. Tu en as deux dans ta liste. Ouais. Et c'est des séries dont j'ai déjà parlé et qui me convainquaient. Ça se dit ça, me convainquaient. Ouais. Oui, on va dire ça existe. Hein, et puis, un peu de conjugaison ce matin. Qui m'ont convaincu pas toujours totalement, donc et on reste un peu sur la même impression. Alors, la première, c'est Basilisk de Cullen Bunn, Jonas Scharf et Alex Guimaraes. Donc, on en est au numéro 6. En tout cas, moi, j'en suis au numéro 6. Je crois que j'ai pas de retard. Du coup, le monde en est au numéro 6, et puis c'est tout. Voilà, c'est comme ça. Donc, j'avais trouvé le premier arc un peu mou, manquant de rythme, c'est-à-dire où ça se développe pas trop. Alors, c'est... En fait, c'est une histoire de vengeance avec des personnages qui ont des pouvoirs. Et donc, une jeune femme du groupe, trahit plus ou moins le groupe pour qu'une autre personne puisse se venger. Alors, j'avoue que comme en lisant mois après mois, j'ai du mal à cerner complètement les raisons et l'univers de Basilisk. C'est peut-être pour ça que j'arrive pas trop à toujours rentrer dedans. Peut-être qu'une relecture, là aussi, en collecté, permettra d'apprécier davantage, puisque chaque épisode commence par un petit flashback de 2-3 pages sur les personnages et qui rajoute des éléments, mais pris individuellement, j'ai un peu du mal à reconstituer le puzzle. Donc, en fait, j'arrive pas trop à voir ce qui les oppose. Maintenant, je crois que j'ai intégré que ça irait pas beaucoup plus vite et ça, c'est pas désagréable à lire. C'est surtout très beau. Là, au niveau de dessin, moi, je suis toujours assez fan du duo Scharf-Guimaraes qui fonctionne bien ensemble et qui propose vraiment une belle partie graphique. Alors, ça bastonne pas mal. Il y a quelques surprises. Voilà, on découvre des pans des personnalités des personnages assez intéressantes. Il y a pas mal d'action, c'est vrai que ça bouge, mais après, en termes d'histoire, ça avance très peu à chaque fois quand même. Donc je continue, c'est une lecture plutôt agréable, mais que je conseillerais plutôt en volume collecté. Je pense qu'il faudra sans doute, si vous n'avez pas commencé, que vous êtes intéressé, plutôt attendre les TP, voir la VF peut-être si ça sort, puisque la précédente création qui s'appelait... alors c'est Descendre, comment ça s'appelle en anglais? Toi qui l'as lu, t'as lu le début, j'ai un trou. Alors là, je sais plus du coup. Je sais. Si. Avec l'histoire des cendres qui, on fume les cendres, enfin on prend les cendres et on. Bonne Parish. Purée. Merci, Bonne Parish, voilà, qui était sorti chez Delcourt. Donc peut-être que l'éditeur a envie de miser un peu sur la même équipe et donc ça sortira peut-être en VF. Mais je pense que voilà, je conseille plutôt une lecture en volume. Ça, c'est le premier boom. Et le deuxième boom, c'est Dark Blood, qui en est à sa cinquième partie, en tout cas dans mon univers. Et il n'en reste plus qu'une. Et là, pareil, même chose. Lecture agréable, très, très belle au niveau des dessins. Alors, c'est au niveau des dessins, c'est Moises Hidalgo. Et au niveau du scénario, c'est Latoya Morgan. Toujours une histoire de cet Afro-Américain dans la période entre la Deuxième Guerre mondiale et le début des années 70, à peu près. Avec des séquences qui alternent passées, présentes, où on voit un peu son parcours pendant la guerre, son opposition au nazisme, c'est voilà, la façon dont il est traité. Il y a aussi pas mal de choses sur la ségrégation dans ces années-là aux États-Unis. Et puis une partie où il y a sa découverte de ses pouvoirs, puisque suite à la guerre, ça c'était dans les épisodes précédents, il n'y a pas de spoil si vous avez suivi un peu les précédents podcasts. Suite à ses blessures à la guerre, il a été obligé de se faire soigner et il a été pris en main par un docteur qui l'a pris un peu comme cobaye, quoi, hein, qui l'a doté de pouvoir, mais on ne sait pas vraiment trop pourquoi. Mais voilà, c'était un peu le reproche que je faisais à la série, c'est que c'était agréable à lire, mais on ne sait pas trop où ça va, de quoi veut parler réellement la scénariste. Donc il reste un épisode, donc je verrai bien. J'avais dit que je donnerais mon, mon bilan définitif à la fin. Mais je pense que là aussi, c'est une série qui sera sans plus plaisante à lire en collecté. Épisode par épisode, on reste un tout petit peu sur sa fin à chaque fois. Voilà. Et puis, il n'y a pas non plus un gros cliffhanger à la fin. Donc, ça. Voilà, il n'y a pas ce jeu sur les cliffhangers. Donc, c'est pour ça que lire les 6 épisodes de la mini d'un seul coup, ça sera sans doute plus efficace. Donc, même conseil, si vous n'avez pas commencé et que vous êtes tenté, plutôt attendre le TP et tenter en collecter, sachant qu'il y a très, très, très peu de chances que ça sorte en VF. Donc, si vraiment ça vous intéresse, ce sera forcément de la VO, a priori. Donc voilà, même un peu le même avis, pas pour les mêmes raisons, on va dire, mais un peu pas totalement convaincu, mais comme c'est voilà, c'est beau, et ça se lit agréablement, je continue. Après, il faudra, comme Dark Blood, c'est en 6, donc bon, ça va être terminé, ça fait une mini. Je pense pas que Basilisk dépasse les 3 arcs, donc ça fera 12 épisodes sans doute, puisque c'est par 4. Voilà, c'est des trucs assez courts et que je prends plaisir à lire, alors après, c'est pas des chefs-d'œuvre, mais. Voilà, ça peut être des bonnes lectures assez sympas à suivre. Ouais. Voilà pour le duo de Boom. Eh ben, c'est pas mal comme duo tout ça. Et du coup, on revient chez Image. Hein. Ouais. Oh non, allez chez Marvel. Allez. Bon, ça va être vite fait, si c'est moi, oui. Ça va être rapide. C'est pour expliquer. Donc, j'ai fait un combo Venom 2, Hulk 1-2. Alors, Venom, on en avait parlé dans un précédent podcast tous les deux, du premier numéro. Oui. Qu'on avait plutôt apprécié, mais on restait un peu en alerte et l'alerte a sonné très fort pour le numéro 2. Moi, ça m'a pas passionné le numéro 2. Donc c'est Ram V, Brian Hitch. Comment s'appelle-t-il? Ali Wing a disparu là. Donc je pense qu'ils vont se répartir le travail, mais pas sur un même épisode en fait, à part le premier. Ça va être un peu chacun son tour ou par partie d'arc. J'ai pas accroché. Ça m'a ennuyé honnêtement. On suit Dylan. Qui essaie de s'en sortir maintenant que, a priori, Eddie Brock a plus ou moins disparu, on ne sait pas trop. Franchement, j'avais dit je verrai avec le 2 ou le 3 et si je continuais, mais ça ne m'a vraiment pas passionné. Donc, bah, stop quoi. Puis Brian Hitch, c'est pas le Brian Hitch d'il y a quelques années. Hein. C'est clair. Donc, c'est sympa, mais c'est pas non plus. On ne se déplace pas pour lui. Donc Venom, voilà, en tout cas en single, c'est terminé. Je verrai si vraiment les avis sont dithyrambiques. J'irai récupérer peut-être un TP ou la version française dans quelques mois, mais a priori c'est terminé. Quant à Hulk, j'ai lu les deux premiers parce que je les ai reçus en même temps. Donc bon, bah, j'allais pas. Mais honnêtement, après le 1, j'aurais dû arrêter. J'accroche pas du tout à ce que propose Donny Cates. Je me suis là aussi totalement ennuyé. Alors peut-être qu'il met des choses en place un peu, il prépare son truc, ou des fois il le faut un peu un arc pour se lancer, mais moi je n'avais pas cette patience-là sur Marvel. Et là j'ai trouvé ça, mais sans intérêt. Je me demande sur le deuxième si j'ai même pas sauté un peu des bulles. Et c'était de la baston, beaucoup de baston un peu décérébré. Alors il y a effectivement un peu une petite mise en place de certaines choses, mais ça m'a pas intéressé. Donc là aussi c'est stop direct. Donc, adieu Marvel pour ces deux séries. Voilà, j'ai fait vite. Eh ben oui, tu as fait vite, effectivement. Et au moins, c'est tranché. Ah ouais, non, ça m'a pas du tout convaincu. Pourtant, j'aime bien Donny Cates. Mais même si chez Marvel, il a fait des choses plus ou moins bonnes. Mais là, je suis pas du tout rentré dedans, quoi. Ça m'a pas du tout intéressé. Donc... Et puis le Venom, c'est pas assez qualitatif pour moi et ça m'a pas assez accroché pour que je m'investisse mois après mois dans des singles là-dessus. Bon, alors du coup, on va se rétablir un petit peu parce que là, c'est gros coup de mou. On va se mettre un truc, un bon truc qui va bien. Moi, j'ai lu le 28, toi, t'as lu le 27. On va aller manger une petite glace. C'est parti. Allez. Donc, on commence par le 27, on fait chronologiquement. Allez, allons-y. Allez, je vais faire vite aussi parce qu'il n'y a pas. Je ne vais pas résumer et faire des choses. C'est toujours la même appréciation sur Ice Cream Man, donc de W. Maxwell Prince, Martin Brazzo, Chris Walloran. Donc, toujours série anthologique, épisode indépendant. Toujours des épisodes étranges, intrigants, inquiétants, avec une pointe d'humour noir. Parfois très touchant, parfois triste. Là, on est un peu entre les deux. C'est l'histoire d'un petit insecte qui un soir dans la nuit, va se transformer en être humain. Et donc, va prendre la place d'un cet être humain dans sa vie de famille. Voilà, en gros, le pitch. Et donc, lui qui se, entre guillemets, trouvait que sa condition d'insecte n'était pas forcément super, va s'apercevoir que être un être humain, c'est pas forcément super non plus. Donc, on va le suivre. Et donc, évidemment, les autres pensent que c'est ce personnage, mais lui, il connaît pas vraiment sa personnalité. Il découvre un peu où il travaille, sa femme, sa famille et tout ça. Donc, ça crée quelques quiproquos. Et puis, il va s'apercevoir qu'il est entouré un peu de salopards. Donc, c'est toujours, toujours une écriture assez étrange. On se demande un peu où il veut aller. Ça dérange un peu. Et puis, ça se finit sur une cliffhanger, le choc. Donc, pas le meilleur épisode, mais bien agréable à lire. Et puis, il y a un petit travail sur le. Quand il est dans sa forme d'insecte, là, sur la façon dont il s'exprime. Donc, il y a des mots qui sont transformés, etc. C'est pas toujours facile à lire. Ça fait un peu étrange, mais ça donne un petit côté décalé, encore une fois. Donc, voilà, un épisode de Ice Cream Man, bien agréable. Pas le plus marquant, mais un bon petit épisode de la série. Le 28, c'est pareil. Hein, le 28 est très bien. On va suivre cette fois un étymologiste. Et non pas un entomologiste. Du coup, j'aime bien le lien qui se fait entre le 27 et le 28, puisqu'ils insistent bien quand ils définissent ce qu'est un étymologiste sur le fait que non, c'est pas un entomologiste, même si ça se ressent. Du coup, il y a le petit lien avec les insectes qui est assez sympa, du coup. Et cet étymologiste, lui, il va se mettre en quête de trouver la source, le mot source qui a créé tous les autres mots et qui a conduit par la suite au langage. Et c'est le secret le plus précieux, c'est le Graal des étymologistes qui n'a encore jamais été découvert. Et pour ça, il va devoir faire l'ascension d'une montagne accompagnée de deux, puis rapidement une personne. Et évidemment, des tas de choses vont arriver. Et va-t-il réussir à arriver en haut? S'il y arrive, qu'est-ce qu'il va y trouver? Quel est ce fameux premier mot, etc. Le style de Maxwell Prince, le dessin de Morazzo, tout va bien, quoi. C'est tout ce qu'on peut dire sur Ice Cream Man, puisque effectivement, comme c'est que des one-shots, on ne peut pas trop raconter des histoires et des surprises et des cliffhangers et les machins. Mais voilà, avec ce 28, vous ne pouvez pas être déçu, et j'ai envie de dire, vous ne pouvez être déçu avec rien sur Ice Cream Man. Donc c'est allez-y. Toujours, peu importe le numéro, vous pouvez commencer par n'importe lequel, de toute façon. Oui, en plus, oui. Puisqu'il y a un moment, je ne sais plus dans quel. Je crois que c'est le deuxième arc, où il y avait un petit peu de continuité, on va dire, entre guillemets. Oui. Où il a développé un peu son univers, mais en fait, ça n'a pas dû être. Ouais, ça n'a pas duré très longtemps. Donc, on peut vraiment prendre dans le désordre quasiment. Donc, oui. Et bonne nouvelle, on en parlait tout à l'heure. Ouais. Ça va au moins jusqu'au 36 pour l'instant. Donc, encore au moins 8 épisodes de bonheur. Ouais. Donc, j'ai preuve que ça marche parce que sinon, ils auraient arrêté depuis longtemps. Oui, en tout cas, la base est suffisamment solide pour pouvoir permettre de continuer. Donc ça, c'est vraiment. Cool. Vraiment un vrai plaisir et une bonne surprise que ça continue. Je te laisse enchaîner sur tes deux derniers titres qui sont deux titres Image et puis je conclurai avec Joshua et ce sera fini. Je vais faire vite aussi. Donc je commence par Vinyl, numéro 6 de Matt Wagner, Daniel Hilliard, Dave Stewart. Donc c'est la conclusion de la mini-série. Donc, j'en ai déjà parlé aussi bien à l'écrit qu'à l'oral. C'est une série qui me laisse un peu sur ma faim, pour cette fin, justement. Plutôt dans le même esprit que ce qu'ils avaient fait avant sur Plastic, par exemple. C'est un thriller complètement dérangé, avec une éclate totale graphique, où là, le dessinateur et le coloriste vraiment se font plaisir et proposent des scènes et des mises en page assez impressionnantes et assez réjouissantes. Par contre, en termes d'histoire, j'ai trouvé que j'ai pas bien compris ce qu'ils voulaient raconter. Alors, c'est pas que j'ai pas compris, mais j'ai trouvé que ça manquait un peu d'objectif, de but. Ce personnage-là, complètement décalé, qui va à la recherche et qui essaye de sauver son ami, ça me paraît un peu léger comme base pour faire cette histoire. Alors, je pense que là aussi, c'est sans doute une histoire qu'il faudrait que je relise et que je lise à la suite pour peut-être apprécier davantage. Mais épisode par épisode, je trouvais il manquait le fil rouge était un peu trop ténu pour que j'arrive totalement à accrocher et que ça reste solide. Ça, voilà, c'est peut-être au final qu'une histoire sympa pour s'éclater et faire des dessins assez fous et proposer une histoire un peu décalée, ce que c'est exactement, mais le ressenti que j'ai en l'ayant lu épisode par épisode et arrivé à ce 6, c'est que le fil rouge proposé était un peu trop léger pour moi. Donc pas super convaincu. Je le relirai peut-être un peu plus tard en lisant les 6 de suite et j'aurai peut-être un avis un peu plus différent, mais voilà, j'ai passé un bon moment, mais c'est pas exceptionnel. Ça aurait mérité peut-être un peu plus une histoire un peu plus développée que simplement du décalé 100%, avec pas vraiment une histoire trop complète. Donc voilà, pour Vinyl. Et l'autre, c'est Chou, qui arrive aussi à la fin. Enfin, là, c'est une histoire, pas une histoire, une série régulière, a priori, hein, mais qui arrive à la fin de son deuxième arc. Là, je me souvenais même plus que c'était la fin du deuxième arc, mais donc c'est le numéro 10, John Lehman, Dan Boltwood. Donc on retrouve toujours Safran Chu, la sœur de Tony, donc une criminelle sans morale et rusée. Et donc dans cet arc, si vous vous souvenez, je ne sais plus si j'en avais parlé de celui-ci, j'ai dû en parler au tout début, au numéro 6 peut-être, ça se passe en France, donc c'était une France très caricaturale, mais volontairement caricaturale, avec la baguette et le béret en gros, quoi, pour caricaturer. Là, ce numéro 6, ce numéro 10, pardon, la fatigue arrive. C'est toujours aussi drôle, c'est fun, ça se lit super bien, c'est plein de petites blagues, de situations drôles, des bonnes répliques. Le dessin de Dan Boltwood fonctionne toujours aussi bien, c'est très, très dans la caricature, hein, avec justement des personnages aux formes exagérées, aux expressions aussi exagérées. Et franchement, c'est bien agréable. Bon, ça vaut pas... Bon, on n'est pas obligé de comparer, je veux dire, ça vaut pas Tony Chu, mais c'est vraiment un bon moment. J'avais bien accroché au premier tome, qui est sorti en VF aussi chez Delcourt. Et là, c'est la suite. Voilà, c'est une série, entre guillemets, sans prétention, faite pour bien rigoler, profiter du personnage, des situations, et puis de l'esprit un peu tordu de John Lehman. Donc, deuxième arc plutôt de bonne qualité et série, et c'est pas terminé, hein, ça continue. Ça va enchaîner. Et que j'apprécie de lire, même en single, ça se lit bien. Il sait bien gérer son rythme avec des bons cliffhangers. Voilà, c'est quelqu'un qui sait écrire pour le single. Donc, c'est plutôt agréable. Et donc, si vous avez aimé le premier arc, et notamment ceux qui ont commencé en VF, vous pouvez prendre le 2 sans risque, c'est du même tonneau. Voilà, pour mes lectures, j'en ai terminé, je te laisse conclure. Eh ben, très bien, très bien, très bien. Eh ben, on va conclure avec quelque chose de très enthousiasmant, Justice League Incarnate. Alors, si vous avez aimé Infinite Frontier, qui vient en plus de sortir en VF, et les promesses qui étaient faites, alors vous adorerez Justice League Incarnate et les promesses qui sont tenues, en fait. Et l'escalade vers ce que l'on sait maintenant être Dark Crisis, qui arrivera en mai chez DC, continue. Et ce numéro 4 est encore une fois brillant. Enfin, c'est Joshua Williamson en même temps. Donc, voilà. Et va nous raconter tout en quelques pages depuis la création de l'univers DC et surtout depuis Crisis on Infinite Earth, tout l'enchaînement des crises. Comment les unes se sont enchaînées avec les autres, qu'est-ce qu'il y avait en trame de fond, en fil rouge de toutes ces crises, qui est-ce qui tirait les ficelles, etc. Et pourquoi on en est arrivé là aujourd'hui, et pourquoi la crise est inévitable, et pourquoi elle s'appellera Dark Crisis d'ailleurs, on a presque l'explication. Voilà, un exercice de synthèse absolument génial. C'est compliqué, hein. Je crois qu'il fait ça en 6 pages, de nous synthétiser toutes les crises de l'univers DC et de nous les mettre dans un ensemble, dans un tout cohérent, et de derrière dérouler la suite de son histoire et de nous donner une espèce de hype totale pour ce qui va suivre. Et là aussi, dans ce numéro, Williamson est pris d'une taylorite aiguë, personne n'est à l'abri. Et ça rend le truc encore plus enthousiasmant, du coup, exigeant, exigeante lecture, évidemment. Hein, ce résumé en 6 pages de toutes les crises, pour quelqu'un qui n'est pas familier avec le concept, qui n'est pas familier avec les événements qui ont eu lieu, etc., je pense que ça va nécessiter, malgré la qualité de la synthèse, quelques efforts d'accepter que on ne comprend pas tout, ou que il faudra peut-être faire des recherches, mais que c'est peut-être pas grave, que Williamson nous a peut-être donné l'essentiel et que ça ne nous empêchera pas d'apprécier la prochaine histoire. En tout cas, l'ultra blockbuster que Dark Crisis s'annonce être, j'ai envie d'y être. Le printemps chez DC va être assez rock'n'roll, je crois, et c'est bien. Ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas enthousiasmé pour un si gros événement chez DC. Hors relaunch compris, hors les grosses vagues de relaunch et compagnie. Hein. Je parle vraiment d'un gros événement qui va brasser tout l'univers et qui va donner la sensation que tout est cohérent et avance dans la même direction et subit les mêmes événements. Ça faisait hyper longtemps que c'était pas arrivé. Moi, je l'ai lu en... Enfin, Infinite Frontier, je l'ai lu en VF, et c'est vrai que j'ai bien accroché. C'est vrai que ça... Même si j'ai pas tout compris, parce que je maîtrise pas l'univers d'ici et ses crises, etc. Il y a des trucs qui m'ont sans doute échappé, clairement, mais ça, c'est suffisamment bien écrit et suffisamment bien enlevé, on va dire, pour qu'on ait envie qu'on rentre dedans et qu'on suive tout ça. Parce qu'il y a quand même beaucoup de personnages et des personnages que moi, dont j'avais pas entendu parler. Mais ça fonctionne bien, il faut se laisser porter, quoi. On n'est pas obligé de tout comprendre, de tout savoir. De toute façon, c'est pas possible, donc même... Le fan hardcore qui a lu toutes les crises et tous les tie-ins de toutes les crises va redécouvrir des choses ici qu'il avait oubliées ou qu'il n'avait peut-être pas comprises. Enfin, je ne sais pas. Ouais, c'est forcé. Voilà, faut se contenter du fait que non, on peut pas tout maîtriser et que pour une fois, on a quelque chose qui nous prend pas trop par la main et qui est un peu exigeant, mais qui est tellement enthousiasmant. C'était bien écrit là, le Infinite Frontier. C'était bien bien fichu et le volume Café Urban était bien fait parce qu'il y avait les Secret Files, un truc comme ça. Là. Oui. Je sais plus comment ça. Oui, le grand qui était, voilà, qui n'était pas des chefs-d'œuvre, mais qui permettait quand même de remettre en place tous ces persos un peu obscurs pour le lecteur de base, on va dire. Oui. Et ça fonctionnait bien le volume. Tout ce qu'il y avait dedans permettait de comprendre quand même globalement l'histoire. Et la mini de Williamson était vraiment bien bien fichue et au niveau graphique c'était quand même très très beau là. Oui. Donc Xermanico, je crois, c'est ça. Ouais. Alors c'est pas lui sur le 4. Hein. C'est pas lui là. Ok. Mais il faisait un bon boulot là, sur Infinite Frontier. Ouais. C'est Culver de son prénom Denis Culver sur le numéro 4. Vous allez avoir des devoirs, hein, des petits devoirs du soir à faire hein, d'ici le mois de mai si vous voulez vraiment vous tout comprendre, être sûr de bien tout. Maîtriser les tenants et les aboutissants de tout ça. Évidemment, une petite relecture des Crisis, peut-être même Death Metal, sans doute même Death Metal, parce que tout a commencé de là. Hein. Infinite Frontier repart sur Death Metal et on nous reparle de ça encore dans Justice League Incarnate numéro 4, on y refait mention. Donc c'est quelque chose qui a l'air assez incontournable dans la construction de la Crisis. Donc. Je me demande si je ne vais pas être obligé d'aller au moins survoler tout ça. Quoi. Il y est résumé. Peut-être. Peut-être. Et puis un petit Multiversity, je pense, ça ne fera pas de mal. Ouais, tout ça, j'ai dans ma bibliothèque, mais j'ai pas... Enfin, Death Metal, non, j'ai pas ça, mais... Non. Le Multiversity, je l'ai, mais je n'ai jamais lu, en fait. Et les Crises, j'en ai un paquet, mais que je n'ai jamais lu totalement. Donc, je peux le faire, mais bon, ça va prendre du temps. C'est ça, le problème. Donc, le compte à rebours est en route pour ceux qui veulent avoir lu toutes les Crisis ou relu toutes les Crisis avant la Dark Crisis. Mais après, vous pouvez peut-être vous contenter du résumé de ce numéro 4 après tout. Puisque l'essentiel y est en 6 pages. Donc, c'est bien la peine de nous faire toutes ces Crisis pour faire ça en 6 pages. Merci, monsieur Williamson. Allez, on en a terminé, on est arrivé au bout du parcours de ce numéro 319 de Comic Stories. On se retrouvera peut-être fin février, peut-être début mars, nous verrons, pour un numéro 320. Et sans doute des choses qui vont encore nous enthousiasmer. On n'a pas été que positif hein, cette semaine, enfin ce mois-ci. Il y a quand même quelques titres sur lesquels on a des réserves. Donc, c'est surtout Marvel qu'on a pris plein la tronche. Hein. Oui, de mon côté. Et puis quelques trucs. Ouais, puis quelques trucs. On peut pas tout aimer non plus. Voilà, on peut pas tout aimer. On lit tellement de trucs, il y a forcément un peu de déchets. Exactement. Donc, Puis sans doute des pépites qu'on rate, bah, c'est comme ça. Ça c'est sûr, on les découvrira sur le tard. Et puis, voilà. Exactement. Et on n'a même pas parlé du retour de Saga. C'est dire... Ah oui, on l'a pas fait, alors hein, c'est vrai, moi j'ai fait un article écrit, mais... Eh ben alors, allez lire la review écrite de Boris sur comicstories.fr pour avoir son avis sur Saga. Vous pouvez aller aussi sur mon compte Instagram personnel pour avoir mon avis sur ce Saga numéro 55, et puis on en reparlera une fois, peut-être dans le prochain épisode, quand on aura un petit épisode de plus dans les pattes, pour voir si vraiment ce retour est définitivement réussi ou pas. Merci de nous avoir écoutés. On se retrouve rapidement pour le 320e épisode de Comic Stories. D'ici là, évidemment, prenez soin de vous et bien sûr, bonne lecture. Salut. À bientôt. Salut.